قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله إلى فرع أو النصيحة برابورا أسي شروط فنقراها. قال رحمه الله هكذا تنتهي شروط لا إله إلا الله بأدلتها إذا كنسي المسلمين. فعلى شبابنا أن يحفظوا هذه الشروط بأدلتها بل علينا جميعا أن نحفظها. نصيحة طيبة بالحفظ. Et ça, ça nous démontre, nahnu, أن on doit faire des efforts في الأهم. فكم من الناس بل كم من الإخوة من أهل السنة من السلفيين كم بعضهم وربما يطلب العلم et il connaît pas هذه الشروط. Et ça, c'est un نقص. Et في الحقيقة, elles sont très simples, ces conditions. C'est très court. Tu peux les résumer en un cours. Chaque condition avec la définition, avec un délil, min al-Qur'an, min al-Sunnah, wa kafa. Lakin, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi rien, on n'a pas de temps pour apprendre ce genre de masail qui sont importantes et simples. Pourquoi? Il a qu'un cœur. Et la journée, si tu ne l'occupes pas avec quelque chose de bénéfique, tu t'occuperas avec quelque chose de futile. Ma'ouf hadha. بعض الناس ربما 1 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans في السنة في الاستقامة et il connaît pas encore هذه الشروط et il connaît pas le معنى, il connaît pas l'explication, il connaît pas ce qu'il a contredit, alors que c'est la première chose qu'on doit expliquer aux gens, cette shahada, le معنى, l'arcane, ce qui contredit هذه الشهاده, montrer ces شروط qui sont مهمة. C'est ça دعوة الرسل والأنبياء. فالحذر الحذر من القيل والقال الحذر من الجدال الفارغ الحذر من تضييع الأوقات. On doit faire attention. الجدال polémique, les fitaines, un tel il a dit, دائما tourner autour de la même chose sans avancer. Chaque chose donne lui son حق. علم التوحيد donne lui la plupart de ton temps, لأنه c'est حق الله عز وجل. Et chaque chose, الفقه donne lui son temps. Tu as besoin de savoir comment faire le salat, comment faire le hajj si tu veux au hajj, comment sortir le zakat si tu as de l'argent, comment faire Ramadan si Shahr Ramadan il approche, comment faire Siyam. Tu as besoin de hada. Tu as besoin de l'arabiya, de lui du temps, pour comprendre hada l'ilm. Et l'arabiya, c'est la clé, comme on répète souvent. Tu as besoin de beaucoup de choses. Donne chaque chose son temps. Kadhalik, tu as besoin de connaître ce qui est ahlul haq min ahlul bid'i wal batil. Tu donnes du temps. Chaque chose à sa place. Amma, donner à une chose plus que son temps et que cette chose elle mérite, tu auras un manquement dans un autre point. C'est obligatoire. Mathalan Wahid, il fait que la langue arabe. Il dit, Anna, j'apprends que la langue arabe. La tawhid, la fiqh, la. Il ne connaît pas ce qui est ahl al-bid'a min ahl al-haq. Farubama, la langue arabe, thumma il s'égare. Il apprend la langue arabe chez un munharif, un mubtali, il s'égare. Ça devient un khariji ou un ash'ari, na'oudou billah, ou un soufi, ou. Farubama Wahid, il ne donne aucun temps à la langue arabe, aucun temps au tawhid. Daïman, Fulani l'a dit, Fulani va faire, il ne sait pas faire salat. Tu lui demandes l'explication de la ilaha illallah, il ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas apprendre à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas apprendre à ta femme, à tes parents, à tes frères et sœurs? Qu'est-ce que tu vas leur apprendre? Tu vas leur apprendre Daïman, Fulan, c'est un moubtadi', Fulan, c'est un. Hada, c'est tayyib. Lakin, sans dépasser les limites. Tu as besoin de ça et tu as besoin d'autre chose. Fal muwaffaq. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien, yufaqihu fi din, comme le hadith Muawiyah. Man yurid Allah khayran yufaqihu fi din. Et din s'englobe tout ça. S'englobe le tawhid, s'englobe l'aqida, s'englobe les choses qui t'aident à comprendre. Le tawhid ou l'aqida, la langue arabe, l'usul, le mustalah. C'est ça le din, c'est ça l'ilm. Ça englobe beaucoup de choses. Enfin, on doit faire attention, nahnu. On doit faire attention, ne pas perdre notre temps dans des choses et délaisser des choses plus importantes. Et on répète la chose la plus importante, c'est hada. C'est cette kalima. Il y en a cette kalima. C'est ça la différence entre nous et al-mushrikoun, al-kafara. Qala Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, fa'ala shababina an yahfadhu hadhihi shurut bi'adillatiha bal'alayna jami'an an nahfadhaha wa nuhawil tatbiqaha ala anfusina. Ça c'est muhim. Kadhalik, hadha al-ilm, c'est pas un apprentissage par cœur. Récite-moi les shurut, on les récite, on les connaît par cœur, et l'amal ça ne suit pas là. هذا العلم c'est din. Et din c'est une croyance et des amal, c'est ça din. Donc on fait des efforts pour appliquer ces shurut en nous-mêmes. Si toi t'as compris et t'appliques, inshallah, tu aideras les autres. قال وكلما رأيت في نفسك نقصا حيال أي شرط من هذه الشروط وراجعت نفسك وراجعت إيمانك لتعلم بأن الإيمان يزيد وينقص وتخاف على نفسك من النفاق كذلك on n'est pas à l'abri même si tu connais ces chourous احذر fais attention à النفاق الرياء l'ostentation vouloir se montrer fais attention à حقق الإخلاص et comme قال الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه الإيمان يزيد وينقص il te fait un tambih à ces chourous on a expliqué dans plusieurs chourous on n'est pas tous au même niveau. Quand tu sens, min nafsik, que tu as une baisse de foi et que tu as un problème, tu as certains manquements dans ces choses, fais des efforts. وَلَا تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ Ne te crois pas, ne te sens pas à l'abri. فَبَعْضُ التَّابِعِينَ Ils ont rencontré as-sahaba, ou certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَكُلُّهُمْ يَخَافْ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النِّفَاقِ هَكَدَا ils as-sahaba. Ils avaient tous peur de tomber fin nifaq. Pourtant, c'est les compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre eux, qu'Omar, radiyallahu anhu, basharahu bil jannah. T'as l'amour, Omar, le statut qu'il avait. Ma'a hadha, il avait peur de faire partie des munafiqin. Hatta marra dhahaba ila Hudayfa, il est parti voir Hudayfa, et il lui a demandé, est-ce que son nom, il est cité dans la liste des munafiqin? Léanna Hudayfa, radiyallahu anhu, il avait une liste que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré un foulain, c'est mon munafiqin, foulain. Omar, il demande à Hudayfa, il a peur de faire partie de Haoula. Mais annahu basharahu bil jannah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé qu'il rentrait fil jannah. Lakin, iman ou ikhlas. Fal hadhar min al-ightirar. Nous, on doit faire des efforts. On doit faire des efforts, khassatan, fi tawhid. Li'anna al-inhira fi hada al-bab, c'est khatir. S'égarer fi hada al-bab, fi tawhid, c'est très très dangereux. Qala, rahimahullah. الذي لا يخاف على نفسه من النفاق لم يعرف الإسلام حق المعرفة. Celui qui n'a pas peur على نفسه من النفاق, il connaît pas l'islam. Il connaît pas l'islam. فنحن, on n'est pas à l'abri. هذه الشروط, on doit être sincère, faire des efforts في العلم et faire des efforts في العمل. Et c'est la première chose qu'on doit travailler, corriger et améliorer. قال كل إنسان عرضة للنفاق لذلك ينبغي أن يراجع الإنسان هذه الشروط بأدلتها ويحافظ على إيمانه. On n'est pas à l'abri. فلهذا, on doit faire des efforts في هذه الشروط. الأدلة, est-ce qu'on les a bien compris? Est-ce qu'on applique? كذلك, notre da'wah est fondée sur هذا. أولا, on appelle les gens au tawhid. أنهم délaissent l'adoration des tombes, des saints, des awliya. Et ils placent leur confiance en Allah. Et ils تحقيق التوحيد. لأن في تحقيق التوحيد تحقيق هذه الشروط ويحاول أن يزيده بطاعة الله وإكثار الذكر وإكثار تلاوة كلام الله تعالى بتدبر وتعقل كذلك ce إيمان tu vas le faire monter بطاعة الله tu fais des efforts في طاعة الله tu t'éloignes de المعاصي et tu fais des efforts في طاعة الله بقدر الاستطاعة كذلك الذكر faire des efforts في الذكر كذلك تلاوة القرآن tout ça vous avez remarqué que tu as besoin de temps. Si tu es occupé par dunya, on fait attention à l'hadr, kadhalik, dunya c'est très très dangereux pour le mu'min. Dunya, on doit s'en servir pour l'akhirah nahnu. C'est pas haram de travailler, c'est pas haram de faire des choses mubah. Lakin, attention que ça passe pas avant din. Attention que à cause de dunya, on fait des concessions sur notre din. C'est là le fitna. Donc, ce temps que tu auras de libre, s'il n'est pas occupé بطاعة الله بالعلم بالذكر بالقرآن يسوغ أوكيب بار أوتر شوز نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم دو نعمة كثير من الناس يسون بغضا اي دون با الحق دو سي دو نعم دو بيان في الصحة والفراغ la bonne santé et le temps profitant أخي الكريم un jour arrivera peut-être que t'as plus de temps t'es occupé par beaucoup de choses t'as des responsabilités que t'avais pas. Peut-être qu'un jour, Allah t'a prouvé avec une maladie, t'as plus de temps. Ahiyanan, tu trouves plus le temps, Obama, d'ouvrir un livre, d'assister à un cours. Fa profite-en. Kadhalik, hada al-ilm, il faut faire des sacrifices. C'est pas la première chose qui vient nous occupe. Plus de doros, plus de révisions. Je suis occupé. Tout le monde est occupé. Lakin, il y a des priorités. Nahnu, notre priorité, ça doit être tawhid. Si on met notre priorité de tawhid, et tout le reste, on le base par rapport à ce tawhid, tayyib. Comme ça, on avancera. Qala, هكذا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات على فهم هذه الشروط وتطبيقها شيخ محمد أمان يكونكلو son شرح avec هذا الدعاء العظيم qu'Allah nous facilite la compréhension de ces شروط أولا et l'application